Bon, alors, je voulais vous donner des... Je voulais donner des chèvres à tout le monde parce que... Ah, voilà, c'est bien. Donc, je crois que... Ça va être un peu dur à lire, effectivement. Ça, ça va? Attends, ça... Ça, ça va. C'est juste pour... Moi, je connais, je connais tout, c'est juste par curiosité. Le seul bordel, c'est les bleus, c'est les commentaires. Bon. Voilà. Ah oui. Je vais peut-être mettre les mettre sur le fond. Marc, si tu veux du thé, il y a juste de l'eau qui vient de chauffer. Ça, ça va mieux. Ça, ça va mieux. Ça, ça va mieux. Je pense que le blanc, c'était pas bien. Oui, plutôt le... Il y a... En tout cas, la suite des couleurs, c'est Alors, il y a... Bon. Ouais, j'ai commencé, hein. Comme ça, on avance. Alors, je veux juste un nouveau tab. Je pas le du... Voilà. Alors... Donc la présentation que je vais faire, le workshop que normalement ça dure une heure. Je l'ai déjà fait à Axo Green, c'était un camp à Luxembourg il y a un an et demi. Et donc j'avais fait des machines virtuelles pour tous les participants, parce que le problème d'éditer les packages et tout, c'est que si tu fais sur une autre distro, il te faut des outils pour valider et tout le bazar. Et que tu ne sais pas le faire à moins de porter des outils de portage. Tu peux le faire, hein, le portage des boutons, ça ne doit pas être trop compliqué à porter, mais voilà, en tout cas, sur les autres distros, tu viens parfois tu des get tools, je ne sais pas quoi, qui sont dans le get tools, mais bon, voilà. Si tu veux le faire sur une autre distro, tu dois porter les outils avant pour voir le. Donc c'est pour ça que j'avais. De donner une image, un shell sur une machine virtuelle que je suis en train de essayer de créer ici. Ça prend un peu de temps, mais bon, on a déjà commencé sans moi. Alors, donc si vous allez sur mon site zuba.com, il y a quelques traces du workshop que j'avais donné. Et j'avais commencé par le truc de base. Le truc de base, il consiste à prendre un Hello World en C et à faire le premier rebuild, en gros, pour le premier packaging, pour packager Hello World. Donc il y a des exemples de Hello World dans Gentoo pour voilà, les trucs de base. Sauf que pour moi, le... Hello World.c était trop compliqué parce que bon, à partir de moment où ça faisait pas 5 lignes, moi je deviens fou. Hello World en Python c'est une ligne et en C c'en est 4. Donc voilà, donc j'ai fait un tar.gz à cette adresse là où il y a le Hello World dedans. Je suis assez sage, peut-être mieux le mettre en local. Alors, dedans, il y a juste Elozu, donc ça fait 4 lignes. Donc, si je le fais avec GCC. Dedans il y a un makefile qui fait juste la même chose, make all, make clean, make install. Donc voilà, ça c'est mon Elozu. Et donc une des particularités de Gentoo, c'est d'avoir de respecter, enfin encore de mettre comme convention que donc, la majorité des choses sont faites sont des tar.gz. La majorité des sources qu'ils prennent sont les tar.gz. Et ils ont comme tradition de prendre le format le nom du package, tiret, une version, point, tar.gz. Donc si vous relisez vos logiciels, vos packages de logiciels qui sont formatés ou les tar.gz sont relisés de cette façon-là, déjà pour Gentoo, vous n'avez pas de bricolage à faire au niveau de votre build. Donc, si c'est un paquet tar.gz qui est nommé différemment, vous devrez plus tard dans la création de DB réassigner les variables qui correspondent à ce qu'on appelle le package name, donc $pn pour les DB, $pv pour package version, etc. Donc, alors, si vous étiez à la présentation que j'ai donnée il y a 2 heures sur les profils de serveurs, j'ai mentionné une chose qui se trouve dans GitHub. Donc, GitHub/Zubab, il y a un repository qui s'appelle Overlay for Gentoo. Donc, sur Gentoo, il y a ce qu'on appelle. Là, je suis en train de faire un backup, donc ça prend un peu de temps. Donc il y a la distribution officielle qui contient tous les builds, qui se trouve dans un directory qui s'appelle USR Portage. Et là-dedans, vous avez des catégories de paquets, par exemple NetMISC. Et là-dedans, vous avez, par exemple, WIS, qui est un outil pour faire WIS. Donc c'est toujours USR Portage à votre racine, la catégorie, puis le nom du paquet, puis le nom de l'ibid, tiret, la version.ibid. Okay. Il se peut que vous ayez dans d'autres, par exemple, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que ça est dedans? Qu'est-ce que je connais qu'il y a? Non, enfin, c'est ça, je suppose qu'il y a. Est-ce que vous ayez des suffixes, par exemple, la version-R1? Donc la version du logiciel n'a pas changé, mais le build est préfixé avec un R1, c'est-à-dire que vous avez une première release ou une deuxième release, parce qu'en général le -R1 ne le met pas, c'est optionnel. Une deuxième release du fichier de packaging. Si vous faites R2, vous avez une deuxième release, etc. Donc le package manager qui s'appelle Emerge considère que R2 c'est mieux que R1 en général. Donc vous avez cette série de paquets qui vient upstream. Alors Gentoo c'est une distribution rolling release, c'est-à-dire que tous les jours ou même toutes les heures il y a des changements. Donc si vous voulez éviter de ces changements, vous vous mettez juste pas à jour. Voilà. Ou vous calez sur une date, moi c'est ce que je fais un mirror complet de Gentoo tous les jours sur mon serveur et je me cale à une date. Et je sais que je suis passé de telle date à telle date et que j'ai tel et tel paquet qui ont changé. Et donc ça me permet de contrôler un minimum mes upgrades. Donc vous pouvez mettre à jour via la commande qui s'appelle emerge-async. Et ça va prendre les serveurs rsync qui sont chez Gentoo et la version qui est de 6h18 aujourd'hui. Il y a cette liste de paquets qui est upstream et puis il y a ce qu'on appelle des overlays qui sont des séries de paquets qui sont en dehors de la distribution, donc c'est un peu similaire au PPA qui est sur Ubuntu. Donc c'est des paquets où c'est des paquets qui sont someone wants to understand French? No? Everybody understand the same way? Ce sont des repositories de paquets, donc, comme le mien qui est ici, qui ne sont pas dans la distribution, qui sont en dehors, donc c'est mon paquet personnel. C'est des choses que j'ai trouvées qui n'étaient pas dans Gentoo, enfin bref. mais pas qui à moi. Et donc par exemple ici j'ai créé une section qui s'appelle MISC, voilà. J'ai créé un directory qui s'appelle HelloZoo, sur laquelle j'ai packagé les bits de mon Hello World. Alors, si vous prenez un éditeur de texte normal, Vim, et que vous êtes sous Gentoo, vous faites, vous créez votre directory. Par exemple, je vais mettre dans AppMisc. Hello Zoo. Déjà, Hello Zoo. Alors, vous faites Hello Zoo-01.evit. Voilà, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous utiliser une template prédéfinie parce qu'il a détecté que vous avez voulu déjà créer un email, donc voilà. Alors, vous devez juste remplir les quelques champs. Donc, home page, hellozoo.com. Alors, SRC URI, c'est l'adresse à laquelle il va trouver les sources en gros. Et SRC URI, ça peut prendre la forme de HTTP, Git, SSH, SFTP, file dans votre slash home. Enfin, il y a énormément de combinaisons possibles. Et normalement, là-dedans, la convention, de nouveau, si votre paquet respecte le package name-la version.tar.gz, la convention c'est de mettre par exemple votre serveur ici, je vais mettre doula.com com slash. Alors, soit vous mettez le tar.gz dans l'URL. Maintenant, un truc sympa, c'est si ici, alternativement, ce que vous pouvez faire, c'est ceci. C'est vu que vous connaissez déjà votre package name, c'est dire, vu que dans le fichier que j'ai dit, je sais déjà que mon package name s'appelle HelloZoo, il sait déjà que ma version s'appelle 0.1 puisqu'il a dans le fichier, vous utilisez juste une variable qui est reconnu par portage et qui s'appelle il s'appelle PN et PV, voilà. Ok, et celui-là poubelle. Alors licence, vous pouvez mettre ce que vous voulez, votre truc à vous. Slot, alors c'est un truc utilisé pour quand vous avez plusieurs versions du style. Vous voulez créer un slot pour Postgres 9.1 et Postgres 9.2. Bref, c'est un truc qu'on n'utilise pas. Alors, keywords, sur Gentoo, il y a principalement 3 keywords. Si vous n'en mettez pas, ça veut dire que c'est un paquet de type instable. Si vous mettez tilde, l'architecture, donc la tilde M204, ça va être testing. Et si vous ne mettez pas de tilde, M204, c'est considéré comme stable. Alors, sous Gentoo, on a la possibilité de compiler ces packages avec ce qu'on appelle des use flags. Et donc, par exemple, ici, je peux compiler un serveur Lite HTTPD avec ou sans le support pour IPv6. Donc, selon que je dis, quand j'installe mon paquet IPv6, Lite HTTPD. Là, il va m'installer le paquet Lite HTTPD avec support IPv6. Si je lui mets un moins devant IPv6, eh bien, il va pas le compiler avec le support IPv6. Donc voilà, normalement il vous met la liste des use flags qu'il a utilisé ici en rouge. Et en bleu, il vous met moins IPv6, ça veut dire qu'il ne va pas compiler avec ce support IPv6. C'est assez lent parce que je suis en train de. Ah non, il y a fini sur ma queue. Alors, donc, l'avantage d'utiliser ce package name et package version, c'est que la prochaine fois que vous faites une prochaine release de votre paquet Elozu 0.2, vous n'avez pas à retoucher les fichiers, vous avez juste à copier votre repeat que vous avez créé. Je vais arrêter le truc ici. En gros, vous avez juste à faire ça. Voilà. Vous renommez le truc en 0.2. Vous faites après ce qu'on appelle un digest, c'est-à-dire que pouvoir rentrer, pouvoir être traqué par votre package manager, il faut générer les MD5 et les signatures qui correspondent au paquet. Donc pour ça, il y a une commande qui s'appelle e-build, le nom de votre e-build manifeste. Donc moi j'ai fait un alias qui fait DG, qui en gros prend tous les e-builds courants et qui génère le manifeste. En gros, ça va faire quoi? Ça va downloader les targets que vous avez mis dans SRCI URL. Ça va les mettre dans USR portage dist files, donc qui est l'endroit où il stocke tous ces targets. Donc tous les programmes que vous allez installer, il va downloader les sources là et il va aller vérifier l'MD5 pour être sûr que ce qui a bien été bien downloadé, c'est bien ce que. Hein. Et donc comme mon URL était fausse, bah, il a essayé d'aller chercher là où je vous l'ai dit. Et non, c'était à Ponce, je pense. Donc l'URL était fausse, donc là il n'a pas voulu me générer mon manifeste. Donc je vais lui mettre l'URL correcte. Bon, je vais effacer l'autre parce que autrement il va gueuler aussi. Donc la première fois que vous publiez, vous faites cette génération des empreintes, des fichiers qui sont utilisés au paquet, il va aller downloader le target au bon endroit, il va faire un fichier manifeste en fait qui contient le SHA-512, en gros l'équivalent de MD5, du target que vous avez fait, et aussi donc, du target qui va faire le MD5, et du fichier e-build que vous avez créé. Donc si à un moment donné vous devez changer quelque chose dans votre e-build, et que vous poussez sur un des repository sans avoir fait ce step-là, ça va péter. Juste il va faire une exception en disant « Allez, il y a quelqu'un qui a oublié de… Enfin, » il y a un problème quelque part, quelqu'un qui a poussé un changement, un hacker qui est venu, il a essayé de changer ça, et voilà, il n'a pas changé le manifeste. Donc normalement, là-dedans, en plus du manifeste, si on prend les paquets Gentoo officiels, c'est en plus du MD5, il y a dans le manifeste, normalement, il y a les signatures GPG. Voilà, il y a les signatures GPG en plus. En plus des targets GZ et des. Enfin, il y a un gros c'est signé. Pour éviter que ce soit modifié par exemple. Voilà. Alors. Donc ici, les use flags, comme je vous montrais, IPv6, pas IPv6. Donc là, vous pouvez définir un use flag qui sont. Mon paquet Elozu, je veux que lors de la compilation, GCC utilise du statique. Donc, par exemple, si je veux y mettre un useflag statique, pour dire, si vous utilisez le useflag statique, plus tard dans la création de mon binaire, je vais appeler des options GCC qui vont dire, ce truc-là, tu mets un statique. Donc, si je le change, alors j'ai un package manager qui là a repris mon package. Comme je disais tout à l'heure, il y a les paquets officiels plus les overlays. Donc l'Eman est l'outil qui permet de gérer les overlays. Et donc autour de Gentoo, vous avez par exemple des overlays qui sont dédiés uniquement à Xen, ou à la voix sur IP, ou au gaillard d'à côté qui a fait son propre repo comme moi, et qui a poussé 4-5 bits. Voilà, les overlays, ça peut à la fois être collectif et tout à fait individuel. Ouais. C'est... Par exemple, on pourrait créer un overlay Gentoo pour le Hackerspace, avec des packages machin midi pour Hackerspace. En gros, c'est assez simple. Si vous utilisez GitHub ou même votre propre serveur Git, il suffit de remplir un petit formulaire et d'envoyer un mail au gars qui maintient les trucs Gentoo. Et à la fin, donc, tout ça est défini dans, est pompé sur un serveur web chez Gentoo. Voilà. Et donc, par exemple, dans votre lehman.cfg, vous pouvez spécifier. Là, j'ai trois sources d'overlay. Moi, je ne suis pas dans les trucs officiels. Il y en a un deuxième, c'est pour le boulot, et le troisième, c'est le mien perso, qui correspond à l'overlay que j'ai sur mon compte GitHub. Donc, si on fait WD à deux épisodes, voilà, c'est juste un petit fichier XML qui décrit, ok, c'est un repository, un officiel, le nom du repository, une description, la homepage, l'email du gars qui maintient, et le source type, c'est un truc du Git qui est maintenu à ce URL. Donc un des avantages, c'est que si vous changez quelque chose dans... C'est ce que j'ai mis celui-là. Donc là, je me connecte à mon compte GitHub. Voilà. Ici, si je change quelque chose dans... De l'autre côté, les gens qui utilisent mon overlay, s'ils mettent à jour avec un Lehman Sync, voilà, on va voir. Ah, hein, et s'il y a quelque chose qui a changé, Zubab machin bidule, il y a un truc readme, il a changé de bit. Donc ça permet d'avoir la dernière version des overlays, d'avoir les choses à jour. Alors, donc les paquets qui viennent des overlays en général sont en dehors de l'USR portage du directory, sont gérés par varlib-lehman. Varlib-lehman, le nom d'overlay. Donc ici j'ai un overlay qui est l'overlay de mon boulot et mon overlay perso qui se bat où je retrouve ce que j'ai sur GitHub. Et donc là-dedans j'ai trois types de directory. J'ai des directories avec des groupes de packages qui sont appmisc, netmisc et netvoy. J'ai un directory pour les profils, ça c'est, je renvoie à la présentation que j'ai faite il y a 2 heures sur les profils des serveurs que vous pouvez gérer vous-même. Et il y a un directory de metadata, ça c'est pour dire voilà, votre truc il est machin bidule avec quelques petites variables. Mais c'est juste pour décrire qu'est-ce que vous faites à l'intérieur du repository pour les profils. Et vous pouvez mettre aussi plus de choses là-dedans, des types de descriptions plus avancées. Alors, par exemple, j'ai fait un package d'un truc, un package qui s'appelle UV Frameforce, qui est en gros un outil pour. C'est un outil en C qui est fait par un Allemand, qui en gros prend n'importe quel firmware et regarde si vous avez du. Je prends une image ISO dedans, un kernel Linux qui traîne quelque part. C'est un outil d'analyse de firmware qui vous donne un rapport de ce qu'il y a dedans. Donc vous venez à une firmeur de projecteur et il vous dit, ah tiens, à tel endroit du truc, il y a une partition extended 2. Et c'est un truc en C, donc si vous prenez le tarif GZ, voilà, c'est point configure make install. Moi j'ai juste vite fait un e-build, donc la structure elle est la même. Alors dans les e-builds, normalement il y a plusieurs sections. Donc il y a un truc qui s'appelle SRC Prepare, donc là vous faites des choses avant de commencer à toucher aux sources et de compiler les bazar, vous faites ah tiens, j'ai envie de patcher le bidule. Donc dans la SRC Prepare, vous allez faire prendre un truc, une fonction. Donc Gentoo, c'est tous les e-build portage, c'est du bash. Ils ont des fonctions bash et ils ont une fonction bash spéciale pour gérer les patchs qui s'appelle e-patch. Et donc vous faites e-patch machin bidule et vous patchez le truc. Voilà. Il y a une deuxième partie qui est la partie principale qui est compiler les sources. Donc là, si c'est un truc .configure make make install, vous appelez juste make et le truc va se démerder pour trouver le makefile qui va bien, le lancer, faire tourner .configure make make install, enfin .configure make et récupérer faire la compilation. Et alors après, l'étape suivante, c'est d'installer ce qui a été compilé. Donc ça, en général, soit vous faites confiance au make install qui est prévu dans le makefile qui se trouve dans le tarjz, ou soit il n'y en a simplement pas. Et donc vous dites, là, sur cette version-là, il compile toujours, on trouve toujours l'exécutable à cet endroit-là. Et donc ce qu'on fait ici, c'est... on fait une sorte de, je rentre dans le directory dans lequel je vais l'installer, le package. Donc là, je fais exe into, ça veut dire je rentre dans le directory usrsbin dans le but de mettre un exécutable. Okay. Et là, je dis en plus, je fais un nouvel exécutable qui va s'appeler, donc qui prend le binaire qui a été compilé dans les sources, dans le directory source qui s'appelle uefirmforce avec en majuscule. Et dans ce directory usrsbin, je le renomme en uwfirmforce en minuscule. Voilà. Et si ça, cette création, cette copie du nouvel exécutable, ça merde, je lui dis, bah, tu meurs si ça merde, donc tu fais un double pipe en bash, si ça, ça fait, alors tu fais ça. Et die, c'est de nouveau une nouvelle fonction de portage de Gentoo. Pour dire tu quittes si jamais ça met. Donc un truc sympa c'est e-begin et e-end. Donc par exemple quand vous faites restarter un service ou sur Debian, vous allez avoir un truc tout sans couleur. Si vous le faites sur Red Hat, vous allez avoir un beau OK ou fail en rouge. Donc ça c'est exactement la même chose, ça fait e-begin, e-end, ça fait voilà, je commence à faire ça et si ça succède, alors je mets OK. Mm-hmm. C'est une surcouche au-dessus de... Oui, en fait, c'est des fonctions... Du bash ou du C ou oui, c'est des fonctions bash. Voilà. Donc, par exemple, ici, si je démarre... Est-ce que je l'ai compilé? Qu'est-ce que j'ai dans le tissu? Je peux faire... Voilà, pas team parce que je suis en VPN dessus. Voilà, du pétable. Non? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est Echo Server, ça c'est bon. Voilà. Ben ça, c'est typiquement dans le script init, une fonction. Merde. Une fonction bash qui fait quoi? Qui fait un ibegin. Voilà, starting echo server sur le port machin, il begin, il end, et c'est ça qui fait le OK à la fin. Donc, voilà. Et ça, des fonctions comme ça, dans Gentoo, il y en a un appel, c'est tout ce qui est en gros, toutes les choses dont on a besoin pour faire la compilation, pour faire pour savoir si ça a merdé. Quand le script de compilation te donne un exit 2, tout genre de choses, il y a énormément de fonctions pour... En fait, c'est pour exister en bash, mais pour la lisibilité, on commence avec le i, machin, etc. Voilà, i quelque chose, i patch. Et tu sais que ça concerne déjà tout aussi dans la fonction, c'est spécifiquement... Voilà. Okay. Donc c'est toutes des fonctions prédéfinies par... maintenant... donc ça c'est le répertoire de mon boulot, on a toutes ces fonctions Gentoo, mais là on peut créer aussi des siennes. Mm-hmm. Donc ça s'appelle iClass. Donc on peut soit faire une fonction traditionnelle en bash dans iBuild pour faire un truc, voilà, l'autre jour j'avais un truc, un iBuild où il y avait 100 fois la même chose, j'ai dit mais tu fais une fonction au-dessus, hein, et puis t'appelles la fonction et t'as un truc beaucoup plus lisible que de faire des copy-paste, ça va être complètement incohérent. Mm-hmm. Donc, soit tu le mets dans l'e-build et tu fais une fonction dans l'e-build, ou soit tu le mets pour toute la distribution, pas pour toute ton overlay à toi, tu mets ce qu'on appelle dans une e-class, une classe de fonction. Donc, par exemple, ici j'ai un truc, une fonction qui s'appelle bootHead. Ça, c'est une fonction que moi j'ai créée qui, à la fin, en post-install, donc après que ce soit installé sur le disque, qui te rajoute par exemple ton light HTTPD qui te le rajoute au boot. Ce que la majorité des distros ne font pas. Donc par exemple, tu installes la HTTPD sous Debian, tu vas rebooter ta machine, ton la HTTPD il ne sera pas au démarrage. Si tu joues avec les init, RC. Oui, enfin c'est sous Gentoo, tu as un truc qui s'appelle RC Update, qui te liste voilà, tel service, il est au boot, il est en défaut, il est au shutdown ou au sysinit. Mais ça, avec ton, à cause de ton boot add, ta classe, bien. Voilà, alors dans boot add, dans bootAdd, tu as une fonction qui en gros dit voilà, bootAdd ton e-service. Okay. Et ça fait juste une seule chose, ça prend un service, ça fait iselect rc le nom du service. Et la même chose dans l'autre sens avec bootAdd. Donc ça, si je vais dans netmisc echo server, ça. Est-ce que je l'ai là-dedans? Voilà. Ici, je vais. Donc, dans ton e-build, tu peux inhériter, dire ah, pour ce package-là, j'ai besoin de Git pour aller fetcher des sources. Donc tu vas dire inhériter cette classe de fonction qui va gérer le... Donc par exemple ici j'ai inhérité git-2 qui est la deuxième classe pour gérer git. Et dans la façon de gérer le git, j'ai défini une variable qui est nom du serveur git, nom du projet. Et puis si un truc spécial pour les développeurs qui voulaient avoir un truc que si tu prends la version la toute dernière version, alors ça fait des choses, ça va chercher une version, un tag sur le git bizarre. Mais là-dedans tu pourrais mettre, tu fais une classe qui s'appelle pipi, et que si jamais cette fonction-là est appelée quelque part, ben, ça va avoir plus, ça va faire, je sais pas, m'enlever une. On va y mettre à la poste avec un vidéo, enfin, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Vu que c'est du bash, tu peux te permettre de dire, bah, hier, j'appelle... Appelle le frigo de Fred. Oui, voilà, exact. Donc là, c'est quoi? C'est un serveur de... C'est un bête serveur, ça fait quoi? C'est 10 lignes de C. C'est un serveur en C qui coûte sur un port en UDP et qui te renvoie, tu lui envoies un autre 4 de caractères, il te les renvoie, tu le découvres, un sonar. Donc là aussi, à l'install, tu vas aller typiquement dans NTC le truc, tu vas copier la config, tu vas lui mettre un script init, tu vas copier le binaire. Alors tu as un truc qui s'appelle. Chez Gentoo, dans les e-class, ils ont un truc qui s'appelle do quelque chose, do exe, do. Alors tu as un site do bin, qui va taper un truc dans slash bin, do sbin, do local sbin, et compagnie. Et alors là, là il va te, utiliser ton iClass qui est dans ton overlay pour dire eh, il faut rajouter ce truc là au bout, et il faut aussi le restarter. Donc ça, typiquement, tu as src install, src compile, donc tu le compiles, tu l'installes, et en post-install, il va faire ce que tu veux. Maintenant, il y a d'autres étapes du style src prepare, si tu dois patcher les sources, typiquement là, tu vas le mettre ici juste avant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a... Tu pourrais mettre des trucs interactifs, genre il pose une question, il vous sur, attention, ça touche à ça, t'es... Il y a un use flag, attention, vous allez effacer Windows. Ouais, oui, il y a un use flag interactif qu'on utilise dans un de nos paquets, qui s'appelle... Oui, servers... Voilà, ouais. Donc c'est pas un use flag, c'est plutôt properties. Alors moi je me suis battu parce que on utilise de l'automatisation dans mon boulot. Et le problème de ça, c'est quand tu immerges toute une série de profils de machin, il te dit ah mais vous avez un paquet interactif dans la liste, alors je peux pas mettre votre système en mode quiet, je suis obligé de build dans la tronche. Et donc moi je me suis fighté avec les développeurs pour dire non, ça soit d'être un use flag. Si je l'immerge avec le use flag interactif qui va me poser les questions, c'est pas aux développeurs à dire ah mais attends, vous êtes trop con là, je vais vous poser la question. Donc tu peux le mettre, Ou par exemple dire t'installes Light HTTP, mais tu demandes est-ce que vous voulez le lancer automatiquement la prochaine fois par exemple. Voilà, et donc de l'interactif, je ne sais plus où il est, mais en gros, quand tu immerges, il va te poser une question, voilà, ou il va te mettre un truc. Ou un message de warning si jamais. Il peut être donc silencieux, mais en prévenant, ou un truc. Voilà. Alors, tu vérifieras que. Donc, par exemple, dans. Mais quelle différence sur en vidéo ou en YouTube? Ouais, je regarde parce que celui-là, je sais comment il fonctionne. Ouais, donc par exemple on a un use flag qui s'appelle migration. Donc ça c'est la config de Postgres. Postgres typiquement tu as la possibilité de, donc dans Postgres il gère une liste d'adresses IP que tu peux autoriser, et pour la migration on le fait à partir d'une machine qui n'est pas dans la liste de machines IP. Voilà. Et donc la config de Postgres doit être régénérée avec ce use flag migration, qui permet automatiquement de rajouter cette machine dans le truc de Postgres et de faire un reload sans réserver les serveurs, de faire un reload sur les machines qui sont autorisées, et ça te permet de faire la migration. Donc, typiquement, le paquet va être, si tu ne spécifies pas use flag par défaut, il va pas l'utiliser, mais si tu le spécifies soit sur la ligne de commande, soit avec dans ta liste de paquets en le disant, il va te le ramener, tu vas arriver à un prompt et il va te demander un mot de passe pour pouvoir changer une bulle. Typiquement, je le mets dans la liste parce que voilà. Mais la différence entre les deux, juste une property, donc alors un truc sympa qu'on a fait, que nous on utilise ce projet dans serveur, c'est comme j'ai expliqué il y a 2 heures, c'est on a le package Postgres machin qui vient de StreamJS, et au-dessus, comme typiquement ce qu'on fait, c'est on installe Postgres dessus, on modifie la config, on a fait des builds spéciaux qui gèrent la config. Donc quand on fait query, c'est quel paquet je voulais mettre? Celui-là marche. J'ai un bug avec celui-là. My backbox. I have a backbox. My box is a bag. Celui-là. Bah, en gros, ce que je voulais vous montrer, non, c'est ça. Is one of the things on now? Donc, par exemple, on a la config de Lehman qui est gérée par le paquet Lehman et qui est aussi gérée par notre config. Donc, le même fichier Lehman.cfg, il est traqué par deux paquets différents. ça pose un problème quand on fait un upgrade, que si la version qui a changé, qui est plus récente, va s'installer, il va écraser notre configuration. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un petit hack qui dit si jamais tu réinstalles ce paquet, vérifie qu'il n'y ait pas un paquet qui s'appelle -myconfig et que s'il y en a un, installe-le. En gros, c'est réinstalle le config. Si jamais c'est une nouvelle version, installe. Donc, ça permet de gérer les profils. Donc, un serveur chez nous, c'est une série de paquets. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué à 2 heures. Je vais te le montrer en vitesse. C'est donc sur, si vous installez mon overlay, il y a un répertoire qui s'appelle profil. Et là, en gros, il y a donc sous Gentoo, il y a les paquets, puis il y a aussi les profils de machines. Et avec iselect profile list, il vous donne. Voilà, ici j'ai 360 profils de machines différents. Quoi ? Hein ? Ok. Bon, je vais vite le mettre plus faible. Je vais juste enlever celui du boulot. Voilà. File list. Pour garder que ceux qui viennent d'upstream et ceux de mon repository. Donc là, si j'enlève mon overlay perso, il ne va plus qu'y avoir que les 14 premiers. Donc sur mon architecture, okay. Aussi. Voilà, donc là, c'est ce qui vient d'upstream, ce qui est fourni d'upstream. Maintenant, ce que je peux faire, c'est, moi, je veux faire un serveur qui s'appelle un serveur FTP, qui se base sur le truc de base, le premier, qui est juste le truc minimum. Mais en plus, je veux lui rajouter 2 paquets. C'est-à-dire que si tu as une machine au boulot qui pète complètement, et que tu as bien sauvegardé toute propre voilà. Ce que tu as mis. Voilà, dans un guide par exemple. Ou une machine, tu clones une machine de prod en test voilà. Avant de la saloper. C'est ce que je fais, Timmy. Oui, bah oui. C'est même pas, je me mets, j'ai ma machine poubelle, je prends le profil de prod, je me cède sur le profil de prod parce qu'il est accessible aussi. Je me cède dessus, puis je réinstalle tout, et à la fin, normalement, je vais avoir la même chose que, que la prod. C'est génial. Et tu peux même updater ta machine de test en fonction des modifs qui ont été faites en prod, sans avoir à dire, tiens, qui c'est qui a touché à quoi. Voilà. Vous avez un problème. D'accord. Voilà. Donc, il y a un autre outil, par exemple, un autre alias qui fait. Donc, l'outil iQuery est assez puissant. Il va te vérifier. C'est un peu comme un tripwire. Enfin, il va te vérifier que ce qui est installé sur le disque, c'est bien ce qui est dans le package. D'accord. Donc s'il en voit qu'il y a MD5, un gars qui a été bricolé, un fichier machin, ça doit s'en réguler. Donc là, bac ou problème matériel du disque pas lisible ou des trucs comme ça. Si le disque était, mettons, qu'il soit pété, qu'il y a un morceau qui ne soit pas lisible, ouais. Tu ne vois pas forcément, s'il va comparer le serveur et le disque, à ce moment-là, il va s'en rendre compte. C'est un problème d'intégrité, on va dire. Voilà, problème d'intégrité. Mais là, en gros, il va prendre, là ce que j'ai fait, c'est, je prends tout ce qui est dans mon overlay, et je vérifie que tous les paquets qui sont dans l'overlay, qui sont installés, sont bien, n'ont pas été touchés. Donc par exemple, je peux faire, là je vais le lancer. Et là, il va me dire il y a une série de problèmes. Parce que là, c'est ma machine où je joue, donc il y a plein de trucs que j'ai été touché à gauche à droite. Mais en gros, la majorité des choses, il va dire ah ouais, mais le package, là, le fichier qui est installé, il n'y a pas de problème. Par exemple, là, un bug qu'on a eu, c'est quand on utilise la machine virtuelle, quand on restart la machine virtuelle, la machine physique va toucher au fichier ETC host parce qu'il la génère. Donc nous, on avait un package pour traquer le fichier OTC host. Ben, on voit que ça a été touché. Voilà. Et ça, c'est un outil simple pour dire, ah, tiens, ce que j'ai installé, est-ce que c'est la même chose que les personnes qui ont été touchées. Tu avais la liste des users qui ont touché. Oui, alors... tu les fouettes. Non, j'ai fait un... Alors, si ça t'intéresse... ça t'intéresse. Non, ça m'intéresse pas parce qu'au boulot, je serai sur la liste. Alors, il y a un truc que j'ai écrit parce que on avait la même question chez nous. Ça s'appelle ce qui est Herschel. Et donc ça fait quoi? Ça fait ça. Donc les utilisateurs ne peuvent se loguer en route qu'avec sudo Herschel. D'accord. Okay. Et d'accord. Et pas sudo Herschel. Normal. Et donc ça enregistre tout ce qui. Ça enregistre tous les deux. Bon, ça te donne à la fin. Ça te donne à la fin dans Varlock TTYREX, ça te donne, ça te donne la liste des commandes bash history ou zsh history et ça te donne le truc TTYREX. Je sais que maintenant ça on l'utilise plus, on utilise une version de sudo avec une config modifiée, mais ça reste pour moi ça reste différent, ça c'était mieux. Donc on a eu cas, par exemple, un gars chez nous qui a été impliqué dans une affaire criminelle, bah, la police est venue nous demander, ok, est-ce qu'il a touché à des serveurs, je lui ai donné, le gars s'est logué, il a été changé des trucs 2 heures après avoir fait des choses, et je leur ai donné les traces. Il s'appelait Snowden, ma main il est en fuite. On est la police. Voilà. Ah mais ils se sont présentés en tant que policiers, hein. Après. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Ouais, là c'est la même chose, c'est un truc tout simple. Alors si vous utilisez les templates, ils vous disent donc ça c'est le même. La même chose mais avec plus de commentaires. Ils vous disent voilà, slot machin, qu'est-ce que c'est. Il y a des trucs qu'on n'utilise pas. Alors, il y a les dépendances, évidemment, si vous voulez mettre une dépendance vis-à-vis de tel truc, même de dire telle version avec tel useflag, vous pouvez aussi forcer la dépendance. Ça c'est le paquet officiellement documenté. Voilà. Ça c'est le truc sans. Le truc que tu ne mets pas dans tes paquets, mais que logiquement on apprend qu'il faut mettre dans les paquets. Non, c'est le. Ça, c'est le. Au lieu de faire Vim, Mon Elozu, machin, et Vim, il te donne juste des trucs à remplir. Là, il te donne des trucs à remplir, mais avec plus d'explications. Voilà, avec les commentaires. Donc, tu sais, quand tu es débutant, à quoi ça correspond. Alors, dependent, c'est RDPAN, c'est. RDPAN, c'est les runtime dependency, c'est les dépendances qui sont nécessaires pour compiler l'application. Tandis que les dépendances. C'est les dépendances qui sont nécessaires pour pouvoir faire tourner l'application. Donc en général, vous mettez les deux, vous avez un problème. En gros, moi, ce que je fais, c'est toujours le pan de galère, le pan de pilote, ça. Parce qu'aussi, un des problèmes, c'est que si la machine qui build des paquets est différente de celle qui a des données, au cas où vous voulez reproduire, c'est toujours mieux d'avoir le même environnement. Que de build que d'exécuter. Ouais, alors un truc dans Gentoo qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez. Donc il y a une version spéciale de Gentoo qui s'appelle Gentoo Prefix. Donc, moi j'ai un collègue qui installe Gentoo sur une sur un Mac, Mac OS X. Et donc tout son Gentoo est préfixé dans un directory comme Gentoo et il installe. Tout ce qu'on a là qui tourne d'habitude sur Linux parfaitement avec un préfixe Gentoo. Donc il y a des gens qui utilisent des préfixes. Moi j'utilise un préfixe Gentoo sur machine Debian sur laquelle je suis pas root et j'ai tous mes binaires, tous mes packages, tout le hasard dans un directory dans mon home. Et donc en fait tu es root de la partie Gentoo. Non, ils ont dû modifier la différence entre la version normale de portage et celle qui est Gentoo préfixe. C'est que oui, ils font des sections pour les trucs où tu dois être root et voilà, c'est un peu modifié, mais pour la majorité des paquets passe. C'est vrai qu'il y a certains paquets, bon, des mobile kernel ou je sais pas, des trucs où tu as besoin d'être root, là tu. Voilà. Tu peux mettre au fond. Mais tu peux aussi dire bah maintenant les paquets avec tel use flag, tu les préfixes et tu me les mets dans TMP. Quoi. Tu veux faire un rootkit et que tu as juste accès à TMP ou... Donc, j'ai un autre projet d'une distribution Linux. Qui est une distribution qui vise à, dans ta compilation, à uniquement produire des binaires qui sont statiques, pas de librairies partagées. Donc, la majorité d'Istro Linux fonctionne avec un binaire et des librairies partagées. Et avec Gentoo, tu peux, en creusant vraiment très très très profond parce que c'est super bien documenté, changer les options de GCC de ta, de ton environnement de compilation pour à la fin produire des binaires statiques. Qui seront plus gros que les autres. Oui, mais au moins tu auras peut-être la souplesse d'avoir trois librairies différentes. Voilà, mais pour certains cas, du style les rescues ou des machines qui ont été corrompues ou même tes librairies sont simplement. Des machines qui, où l'appli doit être stable, surtout pas être perturbée si tu mets à jour que le truc de librairie. Si t'as la production en sécurité, ça veut dire avoir tout. Le truc, c'est que pratiquement la totalité des développeurs GCC en sont très hostiles au fait que tu fais des statiques, parce que ils ont juste envie de... C'est pas drôle de jouer... Non, parce que t'as l'effet viral d'avoir une librairie en dynamique que tu peux... qui soit facilement réutilisable par d'autres programmes. Et mettre à jour, c'est en cas de mettre sécurité. Mais dans certains cas où tu dois porter une application d'une machine à l'autre sans avoir toute la clé de dépendance, c'est super pratique d'avoir un truc statique. Donc Gentoo te permet de faire ce genre de truc sans trop te casser la tête. C'est juste changer quelques arguments, quelques options à gauche à droite et c'est parti. Donc là. Si tu veux faire du Python sur un bâtiment Windows, tu fais un truc statique et tu mets un tour. Alors tu peux. Alors, sous Gentoo, il y a un truc génial que moi j'utilise pour pour l'embarquer, pour générer des trucs sur l'embarquer. C'est CrossDev. Et il y a, tu peux faire de la cross-compilation d'une machine Gentoo Linux 64, MD64 vers MinJWay Windows 32. Donc tu peux générer ton exe. Et puis après tu le recopies et puis c'est... Tu peux générer ton exe pour Windows avec... Oui. Donc ça s'appelle... Ça s'appelle CrossDev. Ça s'appelle... Voilà, c'est ça, CrossDev. Donc une fois que CrossDev est installé... Si je ne veux pas installer, mais ça ne prend pas longtemps à installer. Tu peux générer un environnement de compilation uniquement des. Après, tu passes en argument en disant je veux telle architecture, Windows 64, Windows ou machin, ou DOS 16 bits. Exactement. Machin. D'accord. Et le truc génial, c'est que donc, tu as ton paquet, ton gestionnaire de paquet, ici est Emerge. Une fois qu'il est installé l'environnement de compilation croisé pour MinJWay, enfin pour Windows 32 bits. Tu pourras avoir emerge-min-jway32, le nom de ton debit, et là il va générer ton echo serveur cross-compilé pour Windows. Donc en fait, mon custom, je dois installer Gentoo dessus. Bah, tu peux, moi je peux tourner dans des machines virtuelles. C'est du G4, oui, toi si tu veux cross-compiler des. Donc, moi, typiquement, l'application que j'avais c'était cross-compiler des binaires ARM. Mm-hmm. Donc, j'avais une toute petite machine qui n'avait pas la possibilité de compiler. Et c'est ce que j'ai fait un script SSH que tu dis sur la machine, tu dis install tel paquet. Mm-hmm. Et en fait, elle va se connecter au serveur qui a cet environnement. Il compile sur le serveur. Il va compiler sur le serveur, il renvoie le paquet binaire et il l'installe. Donc, c'est cool. Et sinon, ça prendrait 3 jours à compiler sur le bouton. Si, là-dessus, c'est ce que je sais pas, du machin. C'est beaucoup plus rapide. Donc, typiquement, ce que tu pourrais faire avec des machines PowerPC, c'est tu compiles pas sur la machine, tu n'installes pas Gentoo traditionnellement sur ta machine, c'est tu fais un environnement de cross-compilation de PowerPC ici, et puis une fois, à chaque fois que tu veux te connecter, tu veux installer un paquet, il va se connecter à ton serveur de build, qui lui va faire tout le travail, et une fois, si tout va bien, il te renvoie le paquet. C'est une couche plus facile que le GCC, ses options d'architecture et tout ça quoi. Bah, le truc le plus chiant, c'est que si tu dois compiler sur ton PowerPC, par exemple, qui n'est pas très rapide, le truc un peu tricky, c'est de prendre toutes tes options de ton profil de compilation et de le remettre sur le serveur. Mais ça, j'ai ce qu'il faut. Sur un Raspberry Pi. Voilà, Raspberry Pi. J'ai un ami qui l'a compilé déjà tout sur Raspberry Pi, il a pris une semaine. Ah bah, tu m'étonnes. Attends. Mais bon, moi ce que j'avais fait, c'était typiquement pour. C'était quelle machine? C'était une tablette. J'avais un chroot Debian. J'avais un chroot Debian, et puis j'ai installé un Gentoo préfixe qui lui allait se connecter à un serveur pour compiler ses packs. J'avais aussi un. C'était laquelle? C'était. C'était Beaglebone le blanc. La petite borne. Bah, c'est la même chose que Raspberry. Oui, je vois, oui. Sauf que c'est blanc. Beaglebone. Beaglebone, j'ai une Beaglebone avec un Sabayon, donc qui est la distribution binaire. Mais pour les packages que je veux compiler pour une source, j'utilise le même truc avec un serveur de cross-compilation. C'est ça. J'ai rien, 7h? Oh oui. C'est un peu. Voilà. Si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais, ou par une parier plus tard. Moi je dois forcément avec Gentoo alors. Et franchement, ça vaudrait la peine de faire un workshop. J'avais des machines ici, en fait, le stun ici, que je vais ramener chez moi. Bien, tu te connectes. Je voulais mettre des machines des machines serveurs, mais qui se mettent en veille tout le temps. Ça consomme rien. Et juste quand tu veux avoir un accès, tu te connectes, on peut mettre un truc, et quand il reçoit un paquet, il se rallume. Ça prend une ou deux secondes. Enfin, j'ai ça chez moi depuis un an. Et... Donc ça change un peu du traditionnel DEB ou RPM. Non, tu fais des paquets ou pas? RPM, j'ai vu ça avec Mandrake. Ouais. Ouais. Il y a longtemps. C'est où il y a? Il y a 9 ans. Tout à fait. Bon. Et puis je suis passé des biens. On s'étudie un peu parce qu'à l'examen du LPP, on a des questions DEB et Red Hat. Ah ouais. Merci. Ok. Et puis bon appétit. Ouais. T'habites pas sur un? Je te mets de quoi t'as vu? Ouais, trois quarts faux.